بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم تفهم بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد قال باب جزاء الوالدين le chapitre relatif à la rétribution des parents les والدين des deux parents هذا الباب ce chapitre là الإمام البخاري رحمه الله تعالى il a évoqué dans الأدب المفرد afin d'évoquer l'ampleur de la rétribution que méritent nos parents فمعروف ils ont fait preuve d'une énorme patience vis-à-vis de notre éducation vis-à-vis de nos comportements لاسيما lorsqu'on est les enfants qui sont en bas âge, pour rien, ils pleurent. La femme doit patienter. Surtout, je le vois, moi, à travers le Mohammed, Hafidhahullah Ta'ala. Subhanallah, il y a un sabre. La femme, elle est privée de beaucoup de choses, des ribadats qu'elle ne peut pas faire. Pourquoi? Parce que l'enfant, il demande une attention beaucoup plus, qui est particulière. Et l'attention qui est donnée aux enfants, surtout lorsqu'ils sont en bas âge, lorsqu'ils sont très petits, fait le haqiqa, si jamais l'enfant, lorsqu'il grandit, il voudrait rétribuer sa mère par rapport à la patience qu'elle a eue dans ces moments-là, c'est impossible. Parce que ça demande, yani, une patience qui est énorme. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla, il a créé chez les femmes cette patience que l'homme n'a pas. Des fois, tu regardes, tu te dis, subhanallah, comment fait la mère pour patienter face à ce genre de choses-là? Sa mère l'a porté dans son ventre, elle ressent des choses que ne ressent pas le père. La rétribution envers nos parents, elle est énorme. Sans compter les dépenses aussi cataliques que le père a fait pour ses enfants. Des fois, il y en a certains qui se tracassent pour trouver le risque, il y en a pour leurs enfants. Et ils laissent des choses qui sont aimées auprès d'eux, comme Falab al-In, ou bien des choses, il y en a shari'i, dans la ribada, le zikr et le khiri, pour s'adonner au risque des enfants, qui fait partie des ribadas. Là, il y a des choses que tu préfères faire à d'autres. Ça, c'est énorme. Le rôle des parents et la patience, l'attention, la préoccupation qu'ils ont envers nous, elle est énorme. Quand tu médites sur ça, et surtout, lorsque tu deviens parent toi-même, tu te dis, subhanallah, je comprends pourquoi Allah Azza wa Jal a élevé en degré la valeur des parents. Parce que c'est une valeur qui est immense. C'est une valeur qui est immense. Hahouna, il nous évoque ce bab-là qui est important. Ce bab-là qui est important. Et fil haqqa, c'est min bab hal yaza l'ihsan ila l'ihsan. Que l'enfant, une fois qu'il grandit et qu'il raisonne, qu'il essaye de faire le maximum pour essayer de rétribuer ses parents vis-à-vis du bien, de l'éducation, de l'attention qu'ils ont eu vis-à-vis de ce dernier-là, de ce fils-là. Qu'il fasse les efforts pour cela. Parce qu'on va voir là, un hadith qui est azim jiddan. Qui est azim jiddan. Qala rahimahullahu ta'ala. Qala an Abi Huraira radiyallahu anhu. An an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala. Donc selon Abu Huraira, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: La yajzi waladun walida. Le fils ne pourra jamais rétribuer son père. Illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu. Et le hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. Excepté si jamais ce dernier, ce fils-là, trouve son père en état d'esclave. Maintenant, il y a une guerre et puis son père a été capturé. Il a fini esclave de ces personnes-là. Fayashtariyahu, il rachète son père et ensuite il affranchit. Cette personne-là qui aura fait cela, c'est-à-dire affranchi son père qui est devenu esclave après être libre, celui-là, il aura rétribué ses parents vis-à-vis du bienfait qu'ils ont eu envers lui. Et Hahouna, il a dit, la yadzi waladun walidah. Al-walid, c'est le père. Pourquoi il n'a pas évoqué la mère? Parce que si jamais il n'est pas possible que l'enfant puisse rétribuer le bien du père, que dire du bien de la mère? Si jamais là, ça aurait été dit, la yadzi waladun walidatahu, un fils ne peut rétribuer sa mère, on aurait pu penser que c'est possible qu'il puisse rétribuer son père. Amahahona, il a dit, il ne pourra jamais rétribuer son père. Que dire alors de la mère qui a un droit sur lui qui est multiplié par 3? Donc c'est 3 fois plus impossible qu'il puisse rétribuer sa mère. Il l'a excepté si jamais, pareil, son père ou sa mère se sont retrouvés esclaves, et ensuite il fait les causes pour affranchir ses parents, cette personne-là aura rétribué ses parents. Donc ça montre que l'insan mahma kan wa mahma fa'al, tous les efforts qu'il va fournir et déployer pour pouvoir agréer ses parents dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne sera jamais suffisant. Abadam. Et on va le voir à travers le athar de Umar, hatta yani le soufflement, un soufflement lors de l'accouchement, c'est pas égal. Tous les bienfaits, tout ce que tu vas pouvoir faire pour pouvoir les rétribuer, c'est pas l'égal d'un tanafus, d'un soufflement, d'une expiration plutôt, d'une expiration que la mère fait lorsqu'elle veut accoucher son enfant. C'est pas égal à ça. Enfin, ça nous montre que si jamais on fait les efforts, quoi que l'on soit, on est muqassir. On sera toujours dans le manquement. Donc que dire de celui qui est mufarrit, celui qui est à la base, qui est négligent. Et que dire de celui qui est, c'est encore pire que cela, qui est aqd, c'est-à-dire qui est malfaisant envers ses parents, qui a un mauvais comportement envers ses parents. Enfin, ça c'est azim jiddan. Azim jiddan, celui qui médite sur ce hadith-là, il peut que avoir honte si jamais il ne fait pas l'effort pour agréer ses parents et d'être bon envers ses parents. Hal jaza al ihsan il ihsan. Et qu'a dit le hadith, man sana ilaykum ma'rufan fakafi'u. Celui qui vous a fait un bien, il faut rétribuer cette personne-là. Rétribuer cette personne-là. Et que dire de nos parents? Jour et nuit, ils ont fait du bien. Toutes les minutes, surtout lorsque l'enfant est en bas âge. Fait que, comme a dit les ulama, fal mujtahid fi dhalika, celui qui va faire tous les efforts, c'est un muqassir. Il est considéré comme un négligent. Pourquoi? Pas parce que, fil haqiqa, c'est un négligent, lakin parce qu'il ne pourra jamais rétribuer ses parents. Enfin, ce hadith, c'est un hadith qui est azim jiddan. Excepté, il a dit, si jamais cette personne-là, son père ou bien sa mère, ses parents, venaient à être esclaves, et ensuite il les achète et il les affranchit. Hahouna, ils ont évoqué le ulama, pourquoi? Si jamais ce fils-là est la cause de l'affranchissement de ses parents, à ce moment-là, cet affranchissement sera compté comme une rétribution qui est égale au bienfait, à la bienveillance, à la bienséance qu'ont eu ses parents envers ce fils-là. Parce qu'ils disent, celui qui est mamelouk, celui qui est esclave, qui est sous la tutelle d'une autre, c'est comme si jamais il n'avait pas d'existence. Car tout ce qu'il fait, son argent, c'est pas à lui, tout ce que... Il est sous la direction de quelqu'un, c'est-à-dire qu'il n'est pas libre. C'est comme si jamais il n'était pas vivant. Et lorsque tu l'as franchi, c'est comme si tu lui avais donné vie. Parce que là, il peut jouir de ses biens, ses biens lui appartiennent, il n'est plus sous la tutelle de quelqu'un, il est libre de faire ce qu'il veut, dans le sens où il n'est pas sous la tutelle de quelqu'un. Enfin, c'est comme si jamais tu lui as donné vie. Et ils disent, c'est pour cela que Nabi Samuel a évoqué que la rétribution elle sera équivalente. Parce que tes parents sont la cause de ton existence. Et toi, tu as été la cause de leur affranchissement. Et l'affranchissement, il est semblable et équivaut au fait de donner vie à une personne. C'est pour ça que la rétribution là, elle sera égale. On fait par des rawaya, l'an yadouzi. Dans Al-Mushkil Athar de l'imam At-Tahawi, rahimahullah ta'ala, 1555. D'une chaîne de transmission qui est Thabit, le prophète il a utilisé des termes qui sont beaucoup plus forts. Il a dit l'an, c'est-à-dire abadan. L'an yajziya waladun walida. Ici c'est écrit là. Amalan c'est beaucoup plus fort. Abadan du ma'na. Ouais, je t'écoute, tu m'as dit L'an ici, c'est-à-dire du ma'na abadan. Ouais. Et ça c'est tout le temps ou... Non, c'est pas tout le temps. Ou ça veut dire que c'est long quoi. Au fait, l'an, ça peut être utilisé pour tout le temps ou bien très longtemps, exactement. Tu peux utiliser pour le contexte. C'est les diffuser comme ça par rapport à le. Oui. Il faut m'en dire par rapport à la vision d'Allah Azza wa Jalla. Jazakallah khairan, c'est une bonne tenbih. Ça reste pas comme ça sans clarification. Ouais, l'an, tu peux utiliser pour les deux, l'an. Pour rien, ce qui est éternel, d'aïman ou bien très longtemps. Selon le contexte. Selon le contexte. مثلا نقول سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا هنا بمعنى أبدا. نعم. إلى بدين الإمام مالك رحمه الله بتوب ابن مالك ومن رأى نفي باللن مؤبدا فقوله ردود وسواه فعددا. Et celui qui voit que l'an a pour sens daiman que c'est l'éternité, il dit sa parole, tu la rejettes et accroche-toi à une autre parole, qui est de dire que l'un peut être utilisé pour les deux, très longtemps ou bien éternellement. Il y avait une mas'ala fiqhiya que je retrouve vite fait, Lorsqu'il a dit Harouna, il a anyajida mamloukan, si j'ai accepté, si jamais il trouve son père né esclave, et qu'il l'achète ensuite, il a franchi. Harouna, il a dit qu'il l'achète. C'est-à-dire, est-ce que s'il l'achète, le fils possède le père? Certains ont dit oui. Si jamais le fils, avant d'affranchir son père, il doit l'acheter, donc à ce moment-là, il va le posséder. Mais il ne peut pas le garder. Il n'a pas le droit de garder son père comme esclave. Et certains ont dit, non, le simple fait qu'il se met d'accord avec son maître et qu'il l'achète, son père est affranchi directement. Il n'y a même pas un temps de possession. Son fils ne le possède pas. Ils ont pris pour dalil pour cela. La parole d'Allah se prend plutôt la parole du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, « Anta wa maluka li abik. » Toi et tes biens sont la possession de ton père. Donc il dit, si jamais tu es la possession de ton père, tu ne peux pas le posséder. Non. Et c'est ça qui est sahih. L'imam al-Tayyibi, il dit, le simple fait qu'ils se mettent d'accord pour l'acheter, et bien son père devient directement sur le champ affranchi. Dans les paroles de l'explication que je t'ai donnée, elle est tirée de l'explication de l'imam al-Manawi, rahimahullahu ta'ala, qui a une explication, comment s'appelle le livre, Fayd al-Qadir, je crois que c'est ça, Fayd al-Qadir, du livre Al-Jami' al-Sahih que Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala il a fait l'investigation. Dans ce livre-là, il évoque cette explication-là qui est que celui qui est esclave, il est considéré comme étant yani dans le néant. Et celui qui l'a franchi, c'est comme s'il lui avait donné vie. Et pareil, l'imam Ibn Arabi rahimahullah ta'ala, il évoque cette chose-là. Il dit, tes parents ont été la cause que tu sortes du néant, et toi, par le fait que tu les as affranchis, tu les sors aussi, il y en a du néant. Parce qu'en fait, c'est comme si jamais il était impotent. C'est comme si jamais il n'était pas capable de faire une chose. Parce que tout ce qu'il fait, comme j'avais expliqué, il est sous l'ordre et la tutelle de son esclave. Donc, c'est comme si jamais il n'était pas libre de lui-même. Donc là, lorsque tu l'as franchi, c'est comme si tu lui donnais naissance. Et comme eux t'ont donné naissance, donc à partir de ce moment-là, tu auras donné la rétribution équivalente au bienfait, à l'ihsan, la tarbiya, l'éducation qu'ils t'ont donné, l'akhiré. هذا هو وجزاك الله خيرا الله يحفظك.